travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Clémenceau, homme politique, Clémenceau, journaliste, Clémenceau, homme de gouvernement, reste essentiellement un homme de culture. Et c'est ainsi que, à la fois, il trouve en lui des ressources, et notamment, il a consacré un livre à Démosthène, et notamment les Grecs. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une des manières stimulantes de décliner le principe fondateur de cette émission entre passé et présent est de s'interroger sur l'actualité contemporaine d'un personnage important de l'histoire, et j'ai souvenance que nous l'avons fait entre autres pour des hommes aussi divers que Machiavel, Léonard de Vinci, Voltaire, François Guizot ou encore Jean Jaurès. Ce matin, l'exercice va concerner Georges Clémenceau. Depuis la chute à l'est de l'Europe des messianismes révolutionnaires dégradés en despotisme, l'intérêt public se porte avec une ardeur nouvelle vers les grandes figures des premières décennies de la Troisième République. Leur réformisme retrouve du prestige, comme mérite une attention renouvelée l'ardeur qu'ils ont déployée, parmi bien des turbulences, pour incarner dans le modèle républicain les principes des Lumières dont leur jeunesse s'était imprégnée. Parmi ceux-là, Clémenceau a sa place au premier rang. Et pourtant, la postérité ne lui a pas assez rendu justice, me semble-t-il, pour des raisons que nous tâcherons d'élucider de prime abord avant de considérer la modernité de son action et de son message. Modernité destinée à briller spécialement dans la France qui est la nôtre, une France dont les certitudes fondamentales de naguère paraissent souvent ébranlées. Mon invité est, j'ai envie de dire naturellement, est Michel Vinocq, auteur d'une biographie très pertinente et très éclairante de Georges Clémenceau. Au jour du premier anniversaire de notre victoire, nous apportons notre hommage à Georges Clémenceau, car son exemple est celui des anciens. Il a guidé jusqu'au salut. Pour combien auront-ils compté dans ce qui vient une fois de plus d'être fait pour le salut de la patrie? L'exemple de Clémenceau, inébranlable au milieu des tempêtes, inlassablement dévoué à la cause de la liberté et convaincu jusqu'au bout du succès final de la France. Nous avions fait le serment d'être fidèles à votre exemple. C'est à l'histoire de dire si ce serment fut tenu, mais aussi nous avions fait la promesse qu'une fois la victoire remportée, nous viendrions vous dire merci des leçons que vous nous avez données. Voici cette promesse accomplie sur votre tombe vendéenne. Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer d'entendre l'hommage du général de Gaulle à Georges Clémenceau, le 12 mai 1946, sur sa tombe, au Colombier, en Vendée. À la fois parce que c'est touchant, c'est émouvant, ça se place dans une continuité patriotique, et aussi parce que cela peut, d'entrée de jeu, me semble-t-il, expliquer pourquoi la mémoire du tigre, la mémoire de Clémenceau, s'est à certains égards, je dirais pas rabougrie, mais a été concentrée sur le père, la victoire, aux dépens parfois de l'étonnante diversité du personnage. Le général de Gaulle vient de quitter le gouvernement en janvier 46. Il va prononcer dans quelques semaines le grand discours de Bayeux, par lequel il annonce au fond la Ve République. Et tout naturellement, je dirais, il se pose en héritier de Clémenceau. Et ce n'est pas la première fois, parce que pendant la guerre, à Londres, dans plusieurs discours, notamment le 11 novembre 1942, il fait un grand éloge de Clémenceau. Alors, c'est vrai que Clémenceau, dans la mémoire collective et par des relais comme le général de Gaulle, est assimilé comme le père la victoire, quand c'est positif, ou comme le grand patriotard, belliciste pour d'autres. Donc il est assez légitime que, pour beaucoup, sa mémoire se résume à la statue qui est sur les Champs-Élysées, devant laquelle chaque année le président de la République vient déposer une gerbe, auquel chaque année le chef de l'État rend hommage. Et pourtant, c'est une vie infiniment plus complexe que ce que l'on se rappelle souvent, cette vie qui s'étend sur un très long laps de temps, puisqu'il naît sous la monarchie de Juillet en 1841, qu'il a 10 ans au moment du coup d'État, qu'il va être fort marqué par le Second Empire, par le despotisme de Napoléon III, et qu'il meurt à près de 90 ans, en 1929. Il faudrait peut-être que, d'entrée de jeu, Michel Vinocq, nous évoquions les grandes étapes de cette histoire, qui est parfois méconnue. Il est le fils d'un médecin, et Benjamin Clémenceau, et d'un médecin profondément républicain. En Vendée. En Vendée. C'est un bleu de Vendée. Comme son père, il a fait des études de médecine à Paris, et c'est l'occasion pour lui, à Paris, d'être arrêté par les forces de l'ordre du Second Empire, de Napoléon III, parce que il manifeste précisément ses convictions républicaines à l'occasion d'un anniversaire de la Révolution de 1848. Il est maire de Montmartre au moment de la Commune. Oui, mais auparavant, disons, il y a un événement très important qui arrive, c'est qu'il fait un voyage aux États-Unis où il va rencontrer sa femme. Et là, le destin aurait pu changer complètement parce qu'à un moment donné, il s'est demandé s'il n'allait pas rester aux États-Unis. Je crains que dans ce cas, je n'ai pas eu le plaisir de vous accueillir à mon micro, Michel Vinocq, ce matin. Voilà. Donc, heureusement, il revient. Alors, il revient. Et lorsque la guerre éclate en 1870, il n'a qu'une idée en tête, c'est de se porter à Paris pour être utile à quelque chose. Et effectivement, pendant le siège de Paris, il est nommé d'abord, puis élu, maire du 18e arrondissement. Donc il a à peine 30 ans, 29 ans, il est déjà un édile. Il y a ce double visage, n'est-ce pas, d'un médecin très humaniste, et puis d'un autre côté, déjà, une autorité politique. Une autorité politique qui va se révéler très importante, puisque il va être élu, après la fin du siège de Paris, à l'Assemblée nationale de Versailles. C'est ainsi dans la logique de cette action politique. Il va être dans les années 1880 un des leaders de l'extrême-gauche radicale au moment où le socialisme commence à peine de se déployer. Dès 1876, donc, il est élu député et il va le rester jusqu'en 1893. Donc une longue carrière de député, jamais au pouvoir. Tombeur des gouvernements, alors on le lui reprochera et il répondra, mais c'est toujours le même gouvernement, donc je n'en ai jamais renversé 15, ce qui est un peu vrai, puisque la majorité républicaine modérée, qu'on appelle opportuniste, est bien restée au pouvoir pendant tout ce temps-là. 93, c'est une date essentielle, il a été un peu affaibli par le soutien qu'il a apporté au début au général Boulanger, et surtout il est abattu par des soupçons d'ailleurs indus, qu'il entoure sur une éventuelle concussion dans le cadre de l'affaire de Panama. Et du coup, il commence une nouvelle carrière, qui est une carrière de journaliste, où il se jette avec une grande ardeur. Exactement, il est journaliste, il a son propre journal, La Justice, il écrit dans La Dépêche à Toulouse et dans d'autres publications. C'est ainsi qu'il peut gagner sa vie, il a cessé d'être médecin, et il a même envisagé de devenir un écrivain, il va écrire un roman, même Les Plus Forts. Il participe à des activités littéraires, par exemple au Grand Banquet des Goncourt, etc. Et à ce moment-là, nouveau tournant dans sa vie, éclate l'affaire Dreyfus. Et à partir de 1897-98, il est le leader, on peut dire, le leader politique, avec Jaurès, mais Jaurès y viendra plus tard, du dreyfusisme. Et même quand celui-ci sera gracié en 1899 par le président Loubet. Il continuera la bataille jusqu'au bout, jusqu'en 1906, pour en arriver à la décision de la Chambre de cassation de casser le procès de 1899. Il a réuni tous ses papiers en sept volumes. On a le bonheur d'ailleurs de voir ces livres être réédités grâce à l'énergie de Michel Drouin. On a déjà 4 volumes sur 7, oui. Exactement. Donc, cela dit, il est toujours en dehors du champ parlementaire. Et c'est seulement en 1902 que, sollicité par des parlementaires, des élus du Var, il va finalement accepter d'entrer au Sénat. À 61 ans. Il commence sa grande carrière politique numéro 2, et c'est là qu'il va être président du Conseil en 1906 jusqu'en 1909, avec des succès inégaux, à vrai dire, nous en reparlerons, et puis qu'il est au Sénat, très influent, qu'il préside de la commission de l'armée au Sénat pendant la guerre de 14, et qu'il se retrouve finalement avec un prestige hors de pair, président du Conseil, chef du gouvernement de la victoire en 1917. Et puis ensuite, il échoue à la présidence de la République. Oui, il échoue sans avoir été candidat véritablement, du reste. Mais enfin, il était naturel qu'il fût le président de la République, mais il avait contre lui une majorité de députés de droite qui ne voulaient pas d'un laïcard, comme il disait à propos de Clémenceau, et d'une partie de la gauche, les socialistes, qui, nous y reviendrons sans doute, le considéraient comme un ennemi de la classe ouvrière. Alors je vais vous faire entendre à propos de cette trace souvent négative qu'il a laissée à gauche, un propos d'Henriette Psicari, c'est la petite fille de Renan, qui est dans un milieu très, très Dreyfusard, et qui par conséquent garde pour cela une fidélité à l'œuvre de Clémenceau, mais qui considère que c'est un homme méchant. Et j'ai voulu, non pas faire naturellement une hagiographie de Clémenceau, je pense à la pièce de Diderot, est-il bon, est-il méchant? Pour Henriette Psicari, aucun doute, il est méchant. Clémenceau apposait partout sa volonté. C'était un homme terrible. Moi, je vais faire une confidence, je n'aimais pas beaucoup Clémenceau. Et je n'ai jamais beaucoup aimé Clémenceau. Ça a l'air drôle de dire ça, étant donné le rôle qu'il a eu. Mais je reconnais que c'est un homme remarquable et extraordinairement lucide, surtout. Il avait l'air d'avoir des flèches dans l'esprit pour les piquer là où il fallait. Mais en réalité, ce que nous n'aimions pas chez Clémenceau, nous les jeunes, c'était qu'il était méchant. Il était méchant. Il avait le mot à l'emporte-pièce, le mot juste d'ailleurs, le mot qui s'appliquait exactement à l'événement, mais on se demandait toujours, quand on fermait la porte, s'il n'allait pas vous en envoyer autant pendant qu'on ne l'entendait pas. Eh bien, il en envoyait, justement. Et c'était cette espèce de petite vengeance sociale, petite vengeance personnelle, qui nous choquait, naturellement inconsidérément, parce qu'il fallait voir aussi la grandeur de son esprit, etc. Et puis, ce nationalisme, ce nationalisme impénitent, qui était un peu comme une espèce de fougue perpétuelle, France d'abord, France ceci, France cela, etc. Nous étions bien loin de ces idées-là, beaucoup plus dégagées des questions de politique. Vous comprenez, lui, l'Alsace et la Lorraine, alors l'Alsace et la Lorraine, c'était le thème de sa vie et de toute sa politique de ce moment-là. Enfin, remarquez, nous n'étions pas du tout bien placés pour juger de la politique. Par conséquent, ce que je vis n'a aucune importance au point de vue général. Mais au point de vue de l'affaire Dreyfus, il était comme ça. Il était passionné, il était droit, il était noble, il avait des idées absolument justes et absolument certaines. Mais en réalité, il envisageait l'affaire Dreyfus comme une espèce de combat acharné dans lequel il fallait avant tout être vainqueur. Henri Psicari s'exprimait là en 1971, à la fin de sa vie, pour les archives du XXe siècle. Je trouve assez bien ramassé ici le procès à charge. Certainement. Je ne pense pas que Clémenceau était méchant. Il était agressif. Et à ce sujet, c'est une question de tempérament. Nous avons un témoignage assez remarquable, celui de Julien Gracq. Lorsque Clémenceau est venu à Nantes inaugurer le lycée Clémenceau après la guerre. Et Julien Gracq était un très jeune élève, il l'observe, et voici ce qu'il dit dans un de ses livres. Clémenceau, ce qui frappe surtout dans cette personnalité aux arêtes tranchantes comme un rasoir, c'est l'agressivité pure, gratuite, incongrue à l'état natif. Et c'est indiscutable qu'il a été toute sa vie un bretteur, un escrimeur, quelqu'un qui a envie de se battre, toujours. Lorsqu'il était président des commissions au Sénat pendant la guerre, il revenait après les séances dans les bureaux de son journal, et Jean Martel nous raconte que la première chose qu'il faisait en ouvrant la porte... Jean Martel, c'était son secrétaire. Jean Martel, son secrétaire. La première chose qu'il faisait en ouvrant la porte, c'était de balancer un grand coup de pied dans le pare-feu, n'est-ce pas, comme pour se défouler. Ah voilà, c'est cette nature-là, impulsive. Il ne résiste jamais d'ailleurs au plaisir d'un bon mot, quitte à blesser. Je pense à ce général, on ne donnera pas le nom naturellement, qui était très connu, qui était assez âgé, pour lequel il avait d'ailleurs une affection mitigée, qui se trouvait sur le point d'épouser une jeune et charmante jeune femme, et devant tout un public, Clémenceau déclare « c'est parfait, le général aura maintenant deux fronts à défendre ». Voilà, il n'en rate pas une, n'est-ce pas? Et dans ses discours à la Chambre, il est particulièrement redouté à cause de cela, parce que quand on l'interpelle, il s'arrête aussitôt, se retourne vers celui qui l'a interpellé et lui envoie, en général, non pas une insulte, mais un mot d'esprit qui est très rude. On redoute toujours, dit un de ses interlocuteurs au moment d'affaires de Panama, sa plume, sa parole et son épée. Parce que c'est un homme de duel. Il s'est battu sur le pré au moins une douzaine de fois. Et cela n'est pas anecdotique. Je crois que c'est révélateur d'un moment de la République, des relations avec la diffamation en particulier. On est à la fois proche et loin de cette époque. Alors, est-il méchant pour autant? Nous avons la preuve du contraire, à travers sa correspondance notamment. Que d'affection, que de tendresse il manifeste, il a. D'abord pour les membres de sa famille, pour ses amis, quand on pense à la correspondance avec Claude Monet, le peintre Claude Monet, qui est d'une affection, oui. Une tendresse, oui, magnifique. Ces lettres nous montrent à quel point Henriette Psicari ne voyait qu'un aspect du personnage. Du reste, pendant la guerre, ce qui est frappant, c'est qu'il passe un tiers de son temps dans les tranchées pour aller voir les poilus. Et la popularité qu'il acquiert auprès d'eux montre à quel point ce n'est pas un homme méchant. Et j'ajoute encore ceci, toujours pendant la guerre, lorsque les Allemands vont demander pour la première fois les conditions d'un armistice, Poincaré et Foch sont absolument opposés parce qu'ils veulent aller jusqu'à Berlin, et lui, aussitôt, dit « il faut s'arrêter ». Pas un mort de plus, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on développe cette idée de l'individu, parce que ça nous concerne aussi aujourd'hui. Il reste à distance du socialisme parce que il n'approuve pas l'idée que les grands mouvements collectifs sont l'essentiel. Il pense qu'à chaque moment, l'homme seul est celui à qui il revient d'agir, d'avoir le courage d'agir. Il écrit même à Karl Marx, qu'il avait rencontré dans sa jeunesse, « Je suis pour le développement intégral de l'individu ». Et cela me paraît de quelque portée aujourd'hui. Vous ne trouvez pas, Michel Vinocq? Oui, certainement. Mais je nuancerai en disant que son individualisme est un individualisme solidaire. Il est tout à fait hostile au collectivisme, au socialisme, donc, puisque c'était synonyme à l'époque. C'est la raison pour laquelle il s'oppose à Jaurès. Dans des discours magnifiques de 1906. Notamment. Et dans ses joutes oratoires, on voit bien comment, à cette époque, on pouvait, au Parlement, à la Chambre des députés, présenter des convictions philosophiques de très haute tenue. Avec une éloquence qui, elle, malheureusement, n'est pas effectivement toujours d'actualité aujourd'hui. Là, oui. Il y a plutôt une discordance des temps qu'une concordance des temps, me semble-t-il. Peut-être. Sans doute même. Parce que la formation des élus n'est plus la même. Parce que l'économie coiffe tout, alors que tous ces gens étaient plutôt des humanistes, des lettrés, qui avaient fait précisément leurs humanités, etc. Donc ce sont des discours magnifiques, qui opposent alors une conception de la gauche, qu'on pourrait appeler la gauche républicaine, à la gauche socialiste. Et Clémenceau a cristallisé sur sa personne, précisément, ce divorce. Quelle est l'actualité à vos yeux de cette opposition ? Eh bien, c'est que, à mes yeux, le divorce est terminé, ou devrait l'être en tout cas, puisque vous avez deux conceptions. La conception de Clémenceau, républicaine, sociale, qui veut défendre l'individu contre ce qu'il appelle le socialisme de la caserne, mais en même temps, qui veut des réformes sociales profondes, l'intervention de l'État. Il proteste contre la philosophie des économistes libéraux et le laisser-faire, car, dit-il, le laisser-faire, c'est la loi du plus fort. Donc nous avons exactement le républicain réformiste, conscient de la question sociale, mais qui ne veut pas entendre parler d'une révolution qui amènerait, par conséquent, un socialisme de la caserne, comme il dit. Et je voudrais savoir, alors, si vous approuvez ce propos d'André Malraux, qui dit qu'au fond, on a exagéré l'opposition entre Jaurès et Clémenceau, qui se retrouve dans le patriotisme. Et peut-être au-delà, c'est un discours de Malraux en 1958 devant des anciens combattants. Le vieil hôtel de ville de Paris était celui de la commune de 93 et de celle de 71, l'une et l'autre au service de la France. Les murs de ce monument-ci portent la croix de la Légion d'honneur qui fit graver Clémenceau, la croix de la libération qui fit graver le général de Gaulle, au nom de la République qui fut celle de Danton et de Saint-Just, celle de tous ceux qui ne concevaient pas que l'on pût désespérer de la nation. Clémenceau et Jaurès n'avaient guère cessé de se combattre. Mais si Jaurès frappait à mort lorsqu'il venait de dire « Il ne reste maintenant que la France », avait pu connaître le solennel silence dans lequel Clémenceau gravit la tribune de la Chambre pour annoncer la victoire de 1918, il eût reconnu en Clémenceau son frère. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Son frère, Jaurès et Clémenceau, frère, dit Malraux. Est-ce que ce n'est pas pousser les choses un peu loin ? Oui et non. Ils ont été très proches l'un de l'autre. D'abord, dans l'affaire Dreyfus, ils ont été alliés dans un combat qui a duré des années. Ensuite, lorsque, en 1902, il est élu sénateur, Jaurès le félicite et se félicite que Clémenceau revienne à la vie politique active. D'ailleurs, Clémenceau avait beaucoup soutenu Jaurès au moment du grand combat de Carmeau, de la grève de Carmeau dans les années 1890. Oui, c'est un épisode également très important. 1892, la grève des mineurs de Carmeau qui amène Jaurès, du reste, à se convertir au socialisme. Et Clémenceau et Jaurès sont, on peut dire, sur la même longueur d'onde pendant très longtemps. Mais il se produit ceci, c'est que en 1905 est créé la SFIO, le Parti Socialiste unifié, donc, sur la base de la lutte des classes, sur la base marxiste. Et que, à partir de ce moment-là, il y a une divergence qui va être d'autant plus profonde que c'est en 1906 que Clémenceau arrive au pouvoir. Et que, par conséquent, Jaurès va se faire le défenseur du mouvement social, tandis que lui, Clémenceau, ministre de l'Intérieur, va se faire le défenseur de l'ordre. La divergence, donc, est complète, mais au-delà de la conjoncture, il y a cette divergence théorique, philosophique, comme je l'ai dit, entre le collectivisme que représente Jaurès malgré tout, parce qu'il s'est rallié quand même à la position de Jules Guesde, etc., même si, dans la pratique, il montre qu'il est un grand réformiste. Il a été d'ailleurs mis en minorité de justesse à l'International socialiste, alors qu'il avait donné des signes d'attachement au gradualisme, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire l'évolution plutôt qu'au grand soir. Mais néanmoins, ce qui me frappe, c'est qu'il y a en commun une prodigieuse culture. Oui. Et de ce point de vue-là, il est intéressant de se demander à toutes les époques de la République, de quelle nature est la culture historique, philosophique des hommes d'État. Georges Wormser, qui était son chef de cabinet en 1917, était naturellement très frappé par la culture de Clémenceau. Il le dit en 1967, l'occasion est celle du 50e anniversaire de la prise de pouvoir de Clémenceau pendant la guerre. Écoutons-le. Clémenceau, homme politique, Clémenceau, journaliste, Clémenceau, homme de gouvernement, reste essentiellement un homme de culture. Et c'est ainsi que, à la fois, il trouve en lui des ressources, et notamment, il a consacré un livre à Démosthène, et notamment les Grecs. Voilà ce qu'était Clémenceau comme homme. Il travaillait sans notes, sans dossiers. Quand il avait des notes et dossiers, il s'enchevêtrait dedans. Il ne pouvait, pour ainsi dire, pas s'en sortir. C'est un homme pour qui, essentiellement, compte la parole. C'est en parlant qu'il voyait, qu'il discutait, et c'est en parlant que lui-même se rendait compte de ce qu'il fallait faire. L'éloquence de Clémenceau, c'est Léon Blum qui a dit que c'était le premier orateur de son temps. Et pourtant, Blum adorait évidemment Jaurès. Ce n'est pas la même nature, et on peut se demander si aujourd'hui, d'ailleurs, l'éloquence de Clémenceau ne serait pas mieux adaptée que celle de Jaurès, si on fait un peu d'histoire-fiction, oui. À toutes les exigences de la télévision. La magnifique éloquence de Jaurès, qui était imprégnée d'humanité, qui était très proche celle de Cicéron, avec des périodes, et ça se terminait, etc. Alors que celle de Clémenceau, on le voit bien dans leurs magnifiques affrontements de 1906-1907, est faite de plus d'improvisation, de coups de boutoir, de promptitude dans la réaction à une interpellation. Certainement. Par exemple, quand quelqu'un l'interrompt et qu'il lui dit « Mais enfin, monsieur, j'ai le droit de vous interrompre. » Oui, vous avez tous les droits, sauf de faire mon discours à ma place. Pelletan, Camille Pelletan, qui était son collaborateur à la justice, parlait de cette éloquence. Nul ornement, sinon de temps à autre un trait mordant, un mot frappé à l'emporte-pièce. Nul souci d'arrondir la période, ni de faire chanter la phrase. C'est de la dialectique tout cru. Cette discussion serrée, concentrée, rapide, n'a pas besoin d'apprêt et dédaigne toute parure. La parole de Clémenceau est nue, trempée, aiguisée comme un fleuret. Ses discours ressemblent à de l'escrime, il crible l'adversaire de coups droits. On n'est pas surpris dans ces conditions qu'il ait beaucoup préféré la Grèce à Rome. Rome, il considérait que c'était des juristes un peu comme... Oui, comme c'est vrai. Carré. Oui. Alors que la Grèce, il disait, je les aime tous, les Grecs tous, sauf Aristophane. Parce que celui-là, il bave sur tout, il décrit tout. Et au fond, c'est la dérision que l'on rencontre aujourd'hui. Souvent, sur les ondes, Clémenceau l'aurait détesté. Il était un grand helléniste, bien qu'il ait su le latin et qu'il connaissait fort bien l'anglais, il parlait très très bien l'anglais. À cause de son séjour notamment aux États-Unis. Et parmi un personnel politique qui parle très très peu de langue étrangère. Exactement. Alors, sa connaissance du grec étonne même Poincaré, qui pourtant lui aussi est un bon helléniste. Il a tellement aimé le grec qu'il a fait ce livre, sur Démosthène. C'est une preuve d'amour, c'est un cadeau d'amour à sa grande passion qui était Marguerite Baldensperger. Elle dirigeait une collection chez Plon et sur les grands hommes, etc. Et elle était venue lui demander un livre. Et après réflexion, charmé par la dame, et bien qu'il était en train de rédiger un autre livre, il a accepté de faire cet ouvrage sur Démosthène. Après quoi, il en fera un autre sur son ami Claude Monet. Et à la fin de sa vie, alors que les autres, Poincaré et tous les hommes d'État qui ont compté, écrivent leurs mémoires, lui s'acharne, s'emploie à écrire un livre volumineux qu'il appelle « Au soir de la pensée » où il tente de rassembler, en résumé, les connaissances humaines de son temps. Ambition démiurgique. Absolument, qui montre une culture. Et en plus d'une culture, un intérêt, une curiosité pour le monde étranger. Ce n'est pas un franchouillard. Il est passionné par l'Inde, par l'Orient. Il voyage beaucoup. Dans son grand âge, il voyage vers l'Inde. Il voyage, il revient aux États-Unis, il va en Indonésie, en Inde, etc. Et il écrit cet ouvrage qui montre l'importance, la profondeur de ses curiosités, de sa culture, ce qui étonne de la part d'un chef d'État, d'un homme d'action, n'est-ce pas, qui pourrait avoir l'excuse de dire « je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça ». Tout à l'heure, nous le rapprochions de Gaulle. Il y a une grande différence, c'est que Clémenceau, précisément, refuse de faire ses mémoires, de se sculpter sa statue, alors que de Gaulle, à peine sorti du pouvoir, s'y emploie avec l'ardeur et l'efficacité qu'on sait. Clémenceau regarde pour la suite. Et si finalement il accepte de revenir sur son gouvernement de 1917, grandeur et misère d'une victoire, c'est son cause dernier de Foch. Livre. C'est parce que, à titre posthume, en quelque sorte, oui. Foch, qui vient de mourir, lui a envoyé l'assaut d'un journaliste à qui il avait fait des déclarations extrêmement désagréables pour Clémenceau et son rôle en 1917-18. On retrouve le duelliste. Et puis, il y a une autre donnée qui est très importante, semble-t-il, chez Clémenceau, et peut-être très actuelle, c'est le sens du cocasse, c'est l'humour. J'imagine mal qu'on puisse être un grand homme d'État sans ce sens du cocasse. Alors on se répète les mots de Clémenceau. C'est vrai, l'un des plus cruels, parce que parfois ils étaient très cruels, c'est à la mort du président de la République, Félix Faure. Dans son éditorial du lendemain, il écrit « Monsieur Félix Faure est mort ». Cela ne fait pas un homme de moins en France. Il a ces mots, n'est-ce pas, qui sont d'une violence parfois inouïe. Par exemple, lorsque, ça c'est un calembour, mais enfin, ça le décrit quand même, lorsque Sarrien est appelé à former un gouvernement, en l'apprenant, Clémenceau dit ça, rien, un vaste programme. Et alors, c'est le moment aussi où il est nommé au ministère de l'Intérieur, et il visite les bureaux, et beaucoup de gens sont partis parce qu'on ne sait pas que le ministre va arriver, sauf un qui dort profondément, la tête dans ses bras. Alors on se précipite pour le réveiller, « Chut, non, ne le réveillez pas, il s'en irait. » Je voudrais que nous mettions l'accent maintenant, Michel Binoc, sur d'autres aspects de ses combats qui me paraissent actuels. D'abord son combat, on peut le rappeler, contre la peine de mort, où il poursuit tout l'effort passionné de Victor Hugo, qu'il a connu et respecté à la fin de sa vie. Contre la peine de mort, il y a des descriptions des anarchistes conduits à la guillotine qui sont d'une terrible efficacité à cet égard. Oui. Dans La Mêlée sociale, dans son livre, donc, qui est un recueil d'articles, il parle des anarchistes. Le premier de ces recueils d'articles, oui. Et en parlant notamment de Henri, qui a été condamné à mort, il pose la question... qu'est-ce que la société a à gagner en mettant à mort, en se livrant à un tel supplice? Il déclare « Je ne connais pas de phénomène plus clairement régressif que la sincère croyance où sont quelques hommes que la société humaine, pour se maintenir, a besoin de verser le sang de ceux qui transgressent ses lois. » Et cette conviction, il va la garder même quand il sera au gouvernement. Puisqu'en 1906, il y a un débat dans lequel il n'interviendra pas, mais qu'il a facilité, sur la peine de mort. Jaurès en sera l'un des grands orateurs de ce débat. La majorité refusera d'abolir donc la peine de mort, mais on peut dire que de tout temps, il a été opposé, n'est-ce pas, à ce type de châtiment, qu'il s'est battu contre la peine de mort, mais il n'a pas eu la chance de l'avoir abolie pendant sa vie. Autre combat qu'il faut rappeler, lui aussi très actuel, contre la colonisation. Il y a des duels oratoires qui restent très marquants longtemps après, avec Jules Ferry par exemple. Oui, Jules alors Ferry. Il s'est opposé... Et ça aussi, il faut en dire un mot, sous notre lumière d'aujourd'hui. Il s'est opposé très tôt, de manière vraiment avant tout le monde, je dirais presque, à la colonisation. Pour des raisons à la fois... patriotique, à savoir que c'était une façon de disperser les forces françaises, les forces armées, alors qu'il y avait toujours un ennemi potentiel à la frontière, mais aussi par des convictions vraiment philosophiques. Puisque Jules Ferry avait, dans son argumentation, en 1885, avait énoncé les raisons pour lesquelles les Européens devaient coloniser, en particulier cette idée qu'il y avait des responsabilités, une mission de la part et des races supérieures, disait-il, vis-à-vis des races inférieures pour leur apporter la civilisation. Et dans ce grand discours par lequel il réplique à Jules Ferry, il y a une tonalité d'une modernité extraordinaire, puisque aujourd'hui encore, alors que l'on est revenu, n'est-ce pas, sur cette idée que la colonisation, c'était une bonne chose, que c'était une grande époque et tout ce que l'on veut. Lui, dès les années 1880, se prononce contre le colonialisme, contre la colonisation, en disant clairement, il n'y a pas de races inférieures, il n'y a pas de races supérieures, il n'y a qu'une seule et même humanité. C'est un très très beau discours. Du reste, on l'a donné, je crois, récemment, dans une session du baccalauréat de ces dernières années. Actualité patente, Michel Vinocq, de cet anticolonialisme. Il y a un autre aspect des combats, de la pensée, de la philosophie de Clémenceau. C'est sa lutte pour la laïcité. Et là, évidemment, on est en plein dans notre actualité. Je voudrais que vous nous aidiez à rappeler ce qu'était Clémenceau laïque. Clémenceau, par son éducation, était de naissance, donc, un laïque. C'est-à-dire profondément convaincu que la République, pour s'établir, n'oublions pas que il pense ces choses-là sous le Second Empire. Donc, la République, pour s'établir, doit tenir l'Église à distance. Il n'est pas anti-religieux. Et même, il respecte tant l'histoire des religions, qu'il en parle beaucoup dans son dernier livre, Au soir de la pensée. Il est passionné par l'histoire des religions. Et qui est beaucoup moins, d'ailleurs, rébarbatif, ce livre, qu'on ne le dit parfois. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui méprise la spiritualité, non. Mais il a cette conviction qui est fondée, je crois, n'est-ce pas, que l'Église est un obstacle à la fondation d'une société démocratique et républicaine. Et du reste, il a, pour sa démonstration, toutes les encycliques romaines du 19e siècle, et même une bonne partie du 20e siècle. Le fameux syllabus. De 1864. Qui refuse l'idée même, le principe même de liberté de pensée, de liberté religieuse, sans parler de la liberté de la presse. Donc, il est évident que pour établir une république démocratique, libérale, parlementaire, il faut lutter contre la domination de l'Église. Voici ce qu'il dit. L'Église a constitué et constitue encore un parti politique. Elle ne peut se résigner à entrer dans la société civile au même titre que d'autres cultes et à y jouer simplement le rôle d'une association parmi d'autres associations. Le cléricalisme, il reprend ce terme d'ailleurs à Victor Hugo, ce qui a mené le même combat une génération avant lui, ou une ou deux générations avant lui. Oui, cette opposition cléricaliste, c'est-à-dire la prétention de l'Église au monopole, au fond au monopole de la pensée, au monopole de la morale, au monopole de politique aussi, puisque l'intrication entre l'Église, on l'a vu sous la monarchie, et le pouvoir est séculaire. Et par conséquent, il faut séparer l'une de l'autre, et c'est pourquoi dès ses premiers programmes d'élus et de candidats aux élections, il veut la séparation de l'Église et de l'État. Celle-ci se produira en 1905. Naturellement, il votera en sa faveur, tout en discutant certains articles. Mais c'est une conviction chevillée chez lui qui est fondée, effectivement, sur une perspective historique. Nous ne pouvons avancer dans l'établissement, dans l'instauration de la démocratie et de la République qu'en obligeant l'Église à rester dans sa fonction proprement religieuse et non plus en intervenant dans le domaine public. Oui, ce n'est pas lui qui aurait dit que les racines de notre civilisation étaient essentiellement chrétiennes. Il aurait dit qu'elles étaient notamment chrétiennes, mais qu'elles étaient aussi gréco-romaines. Il y a un épisode éclairant à cet égard et qui, de notre point de vue, je crois, mérite d'être considéré, notre point de vue d'aujourd'hui. En 1918, l'archevêque de Malines, puis l'archevêque de Paris, après la victoire, lui disent qu'on ne devrait pas empêcher les catholiques de faire une messe de Te Deum pour remercier Dieu pour la victoire. Et il répond que il n'a rien empêché du tout, qui n'empêchera rien, et que les catholiques sont parfaitement libres de pratiquer leur culte, simplement qu'on ne demande pas au président de la République, qui représente une nation qui est désormais marquée par la séparation de l'Église et de l'État, qu'on ne lui demande pas d'assister en tant que tel à la messe, et il y envoie la femme du président de la République, Madame Poincaré. Voilà. En même temps, il y a une tolérance chez lui. C'est ainsi que dans la discussion sur faut-il tolérer une école privée, une école catholique en face de l'école publique, il dit oui, parce que l'école républicaine n'a pas à craindre la concurrence. Elle doit montrer précisément que c'est elle qui est la meilleure. Et il y a un débat intéressant avec Jean Jaurès en 1900-1901, où à ce moment-là, Jean Jaurès est pour le monopole scolaire, oui. Au nom des droits de l'enfant. Oui, il faut voilà. Protéger l'enfant contre l'influence perverse du cléricalisme. Et Clémenceau dit non, pas du tout, ayez confiance dans les valeurs des Lumières. Et elles gagneront finalement. Qu'est-ce que c'est que ce concile de Pion qui aurait de législature en législature à désigner quel est l'enseignement que l'on donne ? Respecter la liberté de penser et vous gagnerez. On est loin des paysans aplatis devant les moines à l'époque du Moyen-Âge. Il croit parce que son pessimisme à court terme, me semble-t-il, se conjugue avec un vrai optimisme de long terme sur le fait que l'humanité progressera vers les grandes valeurs elles-mêmes issues des Lumières. Oui, c'est indiscutable. Il y a chez lui cet optimisme profond, tout en étant, je dirais, sans illusion sur la nature humaine. N'est-ce pas ? Il ne croit pas, comme les philosophes ou certains d'entre eux du XVIIIe siècle, que la nature de l'homme, c'est la bonté. Ça, il ne le croit pas. Mais il croit, en revanche, qu'il y a des forces humaines qui vont dans le sens d'un progrès collectif et qu'il faut faire confiance à ces forces-là. C'est lent, c'est pénible, il y a des pas en arrière, mais nous marchons vers une société plus juste et d'abord plus instruite, très important pour lui. La liberté guide nos pas, voilà, et a toujours guidé les pas de Clémenceau. En même temps, il est convaincu qu'on ne peut pas faire confiance, on y revient, au marché et à ses ressorts spontanés pour organiser le meilleur des mondes possibles. Absolument il y a pas. Il y a des affrontements avec les grands économistes libéraux, nous en disions un mot tout à l'heure, le roi Beaulieu, Jean-Baptiste Say, Jean-Baptiste Say, qui sont aussi, qui sonnent très très très très actuels. Il faut intervenir. On ne peut pas faire confiance au système. Et d'ailleurs, si on faisait confiance au système, il y aurait des gens de plus en plus riches, des gens de plus en plus pauvres. Alors c'est précisément contre cela qu'il faut agir. Il a fait un très beau livre, vous l'évoquez tout à l'heure, le premier recueil d'articles, La mêlée sociale. Il suffit qu'on s'y plonge pour se persuader que ceux qui disent que Clémenceau n'était pas un homme de gauche peuvent être très vivement démentis. Certainement. Il a cette conviction que le laisser-faire, n'est-ce pas, c'est la loi du plus fort. Et pour interdire ce laisser-faire complètement libre, il croit dans la mission de l'État. Voilà à propos du laisser-faire ce qu'il dit. Qu'est-ce que votre laisser-faire, votre loi de l'offre et de la demande, sinon l'expression pure et simple de la force ? Le droit prime la force. Voilà le principe de la civilisation. Dès que nous avons constaté votre loi à l'œuvre contre la barbarie. Ouais, c'est quand même des mots très forts. Je voudrais que nous braquions un instant l'attention sur cette période de son premier gouvernement, 1906-1908, ministre de l'Intérieur, président du Conseil, parce qu'évidemment, dans la mémoire de la gauche, en général, on lui fait grief de son comportement à l'égard notamment des grandes grèves. Il y a une certaine injustice dans ce domaine, parce que je fais référence à un livre de Jacques Julliard qui s'appelle Clémenceau, briseur de grève. Il dit toujours que le titre l'a emporté au-delà de ce qu'il avait l'intention de démontrer. Oui, mais jamais Clémenceau a été hostile aux grèves. C'est même le contraire, puisque il en a défendu le principe. Il a défendu le principe du syndicalisme au début de sa carrière, alors que le droit syndical n'existait pas. Hein, il date de 1884. Voilà qu'il devient ministre de l'Intérieur au moment où se déclenche en France, et ça va durer pendant 3 ans, le plus formidable mouvement social que la France ait connu depuis la Commune de Paris. En effet, à la suite de la catastrophe de Courrières, catastrophe minière, n'est-ce pas, de 1906, se déclenche d'abord dans les mines un mouvement de grève qui sera suivi par des grèves multiples dans tous les domaines, dans la poste, etc. Or, à ce moment-là, que fait-il ? Ministre de l'Intérieur, il est responsable de l'ordre. Et voilà quelqu'un qui est à la fois progressiste, qui a un programme social, de réforme sociale, et qui, en même temps, se trouve dans la responsabilité du maintien de l'ordre. Alors, que fait-il? Eh bien, sans l'autorisation, à ce moment-là, du chef du gouvernement, ça rien, il se rend à Lens. Parce qu'il est encore ministre de l'Intérieur pour quelques mois. Pour quelques mois. Et à Lens, seul, seulement accompagné par le préfet du département. Avec un grand courage physique. Avec un courage physique extraordinaire, il va affronter les grévistes. Alors, les grévistes, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux syndicats à ce moment-là. Le syndicat de Bali, qui est réformiste, disons, et le syndicat de Brucho, qui est anarcho-syndicaliste, bientôt à la CGT. Il s'adresse à ces grévistes et il leur dit ceci. « Je ne suis pas venu me mêler à votre réunion. Je suis venu simplement, en représentant du gouvernement de la République, vous dire que la grève constitue pour vous un droit absolu qui ne saurait vous être contesté. Mais j'ajoute que, dans une République, la loi doit être respectée par tous. Donc, soyez calme. Vous n'avez pas vu de soldats dans la rue. Vous n'en verrez pas. Si vous respectez les droits de chacun, si vous respectez les personnes et les propriétés, c'est la première fois qu'un gouvernement n'envoie pas de soldats dans une grève. Montrez-vous digne de cette mesure, prouvez à la France entière que vous êtes digne de la confiance que nous plaçons en vous et de la liberté que vous revendiquez. » Alors, malheureusement, cette grève n'est pas suivie par tout le monde, il y a des non-grévistes, il y a des affrontements entre grévistes et non-grévistes, des violences contre les patrons, il y a des incidents multiples, des incendies même. Clémenceau doit faire appel aux forces de l'ordre, c'est-à-dire à cette époque, il n'y a pas de CRS, à l'armée. Et n'oublions pas que ce n'est pas seulement un mouvement social violent, inorganisé, c'est aussi, en 1905 et 1906, un double événement. 1905, la création de la SFIO, le Parti Socialiste Unifié, sur le principe de la lutte de classe. Jaurès, en effet, a été mis en minorité en 1904 au Congrès international d'Amsterdam, et c'est Gued qui a provisoirement triomphé. Donc nous avons un Parti Socialiste qui est né, je dirais, sur des principes d'extrême-gauche, de lutte de classe, et qui est décidé par conséquent à soutenir tout ce mouvement social. Et d'autre part, en 1906, c'est le fameux congrès d'Amiens de la CGT qui revendique une volonté de révolution sociale. Donc il se trouve véritablement, il y a une coïncidence là assez malheureuse, mais qui va faire de Clémenceau un symbole, si vous voulez, de la séparation, du schisme, schisme intermittent, schisme provisoire, entre une gauche républicaine qui est sociale, réformiste, et une gauche révolutionnaire, représentée à la fois par la SFIO et la CGT. Et n'oublions pas aussi la violence de l'époque. Nous ne sommes plus dans la même situation. Nous avons aujourd'hui des manifestations qui, quelquefois très puissantes, sont suivis de violences peut-être, mais marginalement. Alors qu'à l'époque, on n'hésitait pas, c'était pas tous les manifestants, mais une partie d'entre eux, à aller aux manifestations armées. Armées de gourdins, mais aussi armées de Browning, comme on disait, armées de revolvers. Et que ça pouvait saigner, et du reste, au cours de toutes ces manifestations, de ces épisodes dramatiques à Draveil et ailleurs, il y a eu des morts et des gendarmes qui ont été tués, pas seulement des manifestants tués, n'est-ce pas ? C'était un affrontement extrêmement dur. Que devait faire le ministre de l'Intérieur ? C'est une question d'homme d'État. Une question de toujours. De toujours. Qui revient de façon récurrente. Est-ce que parce que l'on est favorable à la grève, favorable aux syndicats, favorable à la réforme sociale, est-ce que pour autant on doit accepter les violences, les désordres, les incendies? Il y a une vraie responsabilité d'État. Je pense donc que vous ne rejoignez pas, Michel Binocq, le propos de l'Humanité, devenu à ce moment-là le journal du Parti communiste, qui en 1929, au moment de la mort de Clémenceau, faisait de lui l'un des ennemis, je cite, les plus acharnés de la classe ouvrière et le défenseur des intérêts capitalistes. Voilà, oui. Il y a une affirmation contre laquelle vous portez en faux. Ah bah certainement, c'est un malentendu total. Un mot pour finir, si vous le voulez bien, quelques mots, Michel Vinocq, sur les relations internationales, puisqu'on lui a souvent fait reproche d'avoir été un homme du 19e siècle dans l'élaboration du traité de Versailles. Que cela me donne l'occasion de vous faire entendre un document méconnu, la seule archive radiophonique où on entend la voix de Clémenceau. C'est à l'occasion de son voyage aux États-Unis où il va sans mandat en 1922 haranguer ses amis des États-Unis. Il y retourne après plusieurs décennies. Il y était dans sa jeunesse, vous le disiez. Et il va leur demander de soutenir la France dans ses efforts pour obtenir des réparations, en particulier de l'Allemagne. Et on a cette archive qui n'est pas excellente techniquement, mais qui permet d'entendre sa voix et d'avoir une petite idée de son éloquence. Je trouve ça émouvant. Je viens vous demander ce que vous voulez faire pour aider la France, protéger la démocratie. À deux reprises différentes sur ce sol de l'Amérique, nous avons livré ensemble de magnifiques batailles qui ont abouti au plus brillant succès. Et voilà que cette visite, qui est la gloire de nos deux peuples, l'occasion s'est présentée pour vous de nous la rendre, et vous l'avez fait avec une générosité vraiment américaine. Le général Pershing, sur la tombe de Lafayette, a dit à son arrivée le mot qu'il fallait dire. Lafayette, nous voilà. Pas un cœur français qui n'est tressailli à cette parole désormais historique. La voix est jeune, Michel Vinocq. Étonnamment jeune, 81 ans, quand il prononce ces mots. Toujours du point de vue de l'actualité de Clémenceau, qui nous a réunis ce matin, on peut se demander si c'est vraiment l'homme de la réelle politique, ou si, du point de vue diplomatique, le traité de Versailles n'a pas été caricaturé après coup. En novembre 1918, le 11 novembre, il a cette formule célèbre à la tribune du Palais Bourbon, « La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal », ce qui conduit à la question très très contemporaine de l'éventuelle contradiction entre la défense très matérielle, très concrète des intérêts d'une nation et le service des grands principes issus des Lumières. C'est une contradiction d'ailleurs que la France a connue avant lui, à l'époque de Bonaparte, les années qui ont suivi la Grande Révolution. Sa grande idée, au moment de la discussion du traité, qui sera le traité de Versailles, c'est évidemment d'éviter une nouvelle guerre. Il veut la paix durable entre la France et l'Allemagne. Et pour cela, il faut des garanties. On a dit que le traité de Versailles, que l'on a imputé à Clémenceau, alors qu'il faut bien le dire que c'était un compromis entre trois grandes puissances principales. Wilson pour les États-Unis. Wilson, George pour l'Angleterre et puis Clémenceau pour la France. Donc lui, il n'est pas le signataire unique du traité de Versailles. Bon. Cependant, on lui a dit que ce traité était impitoyable, notamment l'économiste britannique Keynes, n'est-ce pas, a pu dire dans son livre sur les conséquences économiques de la paix que c'était un traité pour accabler l'Allemagne et qu'il était donc un traité pervers. Or, il faut se remettre dans les conditions de cette époque et voir lire la presse comment elle a apprécié le traité de Versailles, et on le trouve trop tolérant. Trop tolérant pour l'Allemagne, pour les Allemands. Il a d'ailleurs refusé qu'on fasse une Alsace-Lorraine à l'envers, c'est-à-dire que l'on pousse la rive gauche du Rhin, la Rhénanie, à se détacher de l'Allemagne prussienne. Il pense que cela provoquera de nouvelles guerres. Exactement. C'était la volonté du maréchal Foch, c'était la volonté de Poincaré, et lui, en tant que chef du gouvernement, s'y est opposé. Opposé donc à ce que la France annexe la rive gauche du Rhin. À la fois par réalisme et au nom de l'idée de la libre détermination des peuples, elle-même issue de la Révolution française. Alors, on ne le rappelle pas assez. Cependant, il a évidemment voulu avoir des garanties dans le cas où l'Allemagne serait de nouveau l'ennemi. Il a voulu avoir des garanties contre une nouvelle invasion, contre une nouvelle attaque. Et c'est pourquoi il a obtenu un certain nombre d'éléments. Mais le plus important lui a échappé, puisque le plus important, c'était l'intervention des États-Unis et de l'Angleterre aux côtés de la France si la France était attaquée. Or, le Sénat américain a refusé de ratifier le traité de Versailles. Et du même coup, l'Angleterre s'est hâtée, comme toujours, de suivre l'Amérique pour ne plus tenir les engagements du point de vue des réparations. Du même coup, qu'est-ce que c'était que ce traité de Versailles ? Alors, il y a l'affaire des réparations. Et c'est vrai que c'était dur pour l'Allemagne d'avoir à payer ce qu'on lui infligeait. Mais n'oublions pas, comme le dit Clémenceau, que la guerre s'était faite en France, sur le territoire français principalement, et que les dommages de guerre étaient considérables et que l'Allemagne devait réparer. Mais à vrai dire, on aurait peut-être pu faire ce que Bismarck avait imposé à la France après 1871, c'est-à-dire un paiement d'un coup forfaitaire, ce qui aurait évité que cette affaire continue de perdurer d'une façon qui a vraiment empoisonné les relations entre la France et l'Allemagne, et qui fait que dans ces années 20, se sont entremêlés en fait le souci de faire payer l'Allemagne et d'autre part de construire une Europe plus harmonieuse, plus équilibrée. C'était l'ambition de Briand, qui a échoué à cause de l'arrivée de Hitler et qui a ressurgi en fait après 1945. Quand on lit « Grandeur et misère d'une victoire », on est frappé de ce que Clémenceau dit qu'il aurait fallu être plus rude dans les années 20, mais que à terme, un jour, en se plaçant dans le long terme, on pourrait construire une Europe harmonieuse par libre consentement des peuples. Il y a cette double idée chez lui. D'un point de vue personnel, un pessimisme à court terme. D'un point de vue philosophique, un optimisme sur l'humanité. On retrouve cette permanence qui n'est pas, me semble-t-il, sans actualité. Est-ce que vous me rejoindriez sur ce point, Michel Vinocq, pour terminer ? Certainement. Je pense que on peut dire, on l'a fait à comparaison avec De Gaulle, n'est-ce pas ? Je crois qu'il a été très réaliste et en même temps que ce pessimisme qui le conduisait au réalisme recouvrait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas, un optimisme profond sur l'avenir de l'humanité, de l'homme, parce que il a cru, à tort ou à raison, que la culture, justement, l'enseignement, devait transformer peu à peu l'humanité. Eh bien, nous avons le droit de dire peut-être à raison plus qu'à tort et de terminer par conséquent sur une tonalité qui ne soit pas pessimiste. Peut-être en avons-nous besoin par les temps qui courent. Michel Vinocq, merci d'avoir été à mon micro. Votre biographie s'intitule tout simplement Clémenceau. Elle est parue chez Perrin en 2007 et on a le plaisir de la voir reparaître en livre de poche dans la collection Tempus. Je voudrais également signaler la réédition augmentée de votre essai « Parlez-moi de la France » qui avait connu une première édition en 1995 chez Omnibus et qui a ressurgi chez Perrin avec en annexe un blog que vous avez tenu pour la revue L'Histoire consacré précisément à l'identité française dans la conjoncture spécifique du débat qui alors, on se le rappelle peut-être, prospérait, qu'on s'efforçait de faire prospérer. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores qui ont été utilisés sur le site internet de France Culture à la page Concordance des temps. Je vous invite chaleureusement à les y aller trouver. Vous pourrez également réécouter, télécharger cette émission et réagir en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet réalisée par Patrick Molinier avec le précieux concours de Meryl Moneghetti et de Jeanne Guérou. Bruno Gagnère-Fontani étant à la prise de son, et pour les Archivina, Catherine Louis. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.